jamais presque pas encore lu, par Charles Sagalan. J'ai tout lu. Héritier de Bouvard et Picuchet, diront certains. Pour autant, l'esprit ne me tourne pas au vent comme un Quichotte. C'est que je ne lis pas pour retenir. Je ne lis pas pour détenir non plus. Je ne lis que pour lire. Quand je songe aux protagonistes du jardin au sentier qui bifurque, je me méfie. On ne m'attrapera pas au labyrinthe paradoxal de la lecture. Car j'oublie presque tout. D'Ulysse, de Joyce, industrieuse intrigue, il me reste une impression de surcharge, plutôt malicieuse. De La Folie Blanche, de Moby Dick, un périple encyclopédique, sa béance mystique. Et aussi cette expression, dont je ne sais s'il circulait sur les baleiniers de Nantucket ou si c'est Melville qui l'a forgé, inattaquable dans son petit Québec. Ça peut servir. Je me souviens des visages, bien sûr, des caractères. Raskolnikov, frondeur désespéré. Bérénice Einberg, sémillante insulaire. Il me revient des atmosphères, celles de 100 ans de solitude, luxuriantes, étouffantes parfois. Celles des nouvelles inachevées de Kafka, d'une étrangeté fragile, à se rompre après 2 lignes. Celles de La Vie des bois, embaumante, dans Baldon, comme dans Cuckoo. Difficile d'oublier les apparitions singulières. Le primate de ténèbres vous éclatait le cœur. Le caca au cul de Mayou. Le tout dernier mot de pauvre petit garçon où Buzzati nous a bien eu. J'ai des lettres. Mais j'ai aussi des soupçons. Sarraute les applique à notre ère, non? Mes soupçons pèsent sur mes assurances de lecteur. Il se pourrait bien que la vérité soit de l'autre côté du miroir. Je n'ai lu aucun livre. Absorbé que j'étais par des voix, je ne lisais jamais. Les vers de Joséphine Bacon me font voir et entendre un incroyable Védoutarde dans le ciel de Nutchimit. Est-ce lire? La prose de Salman Rushdie crée en moi un attroupement forain. Les versets sataniques pour numéro d'équilibriste. Les enfants de minuit comme tour de prestidigitation. Ce n'est pas mieux en traduction. Anna Akhmatova me murmure à l'oreille pendant ce requiem, ce souffle tout près qui prépare son aparté. Est-ce vraiment lire que percevoir une voix entre les lignes? D'ailleurs, nous disons « je lis », mais s'agit-il vraiment d'un mode actif à sens unique? Le beuglement exploréen de Govro, le puzzle qu'est la vie mode d'emploi. Ai-je lu cela ou cela m'a-t-il lu? Je sais, je ne réponds pas à la question. Quel livre n'ai-je vraiment jamais lu? J'en ressens une légère oppression à la poitrine. Il n'y a pas que les incontournables, les adorés, les il le faut, il y a les autres. Ma bibliothèque de survie répond pour une part à la nécessité que circulent des livres que je tarde à lire. Ceux qui envahissent les tablettes de mes bibliothèques, le bras de mon fauteuil, ma table de chevet. Ceux qui espèrent une relation. Fuyante, passagère, passionnelle, quelle qu'elle soit. Ces livres-là, ces impatients, j'allais les semer au vent, dans un sac de plastique, devant un panorama exceptionnel. Ils vivraient une aventure sauvage, en m'attendant, car il y a longtemps que je ne décide plus quel livre je vais lire. Je repère, je convoite, je me procure. Mais ce n'est pas moi qui décide si le livre se lira. Je n'en ai même aucune idée. Sous ma lampe de lecture, ou adossée au majestueux pain rouge de l'île du Baume, la dynamique ne change pas. Je pose la main sur la couverture, c'est oui ou non. Ni le prestige, ni la nécessité, ni l'engagement moral envers un collègue écrivain n'y fait. Les livres lus se lisent seuls. Ce pourrait être désespérant, frustrant, insécurisant, navrant, et même tout cela à la fois, mais c'est un mystère que j'accueille. La nuit, je ne choisis pas de rêver. Le jour, je ne choisis pas de lire. Tout de même, interrompre une lecture, ça m'arrive. Le mystère demeure. Je ne m'éloigne pas d'un livre parce qu'il m'ennuie. La lecture s'arrête seule. Des exemples? Mémoire du feu de Galeano. Entre des pages somptueuses, figées, un billet de l'Instituto Nacional de Antropologia e Historia. Les œuvres de Bouvier, hésitant devant le poisson-scorpion, le signet d'une librairie genevoise, ou le voyage aux îles du père là-bas. Au milieu d'un chapitre captivant, entrée adulte, pas d'explication. Mes lectures s'arrêtent comme je rentre de voyage. Apparemment, il le faut. Mais pourquoi? D'ailleurs, ne pas lire entièrement, c'est encore lire. Pas vraiment du jamais lu. Devrais-je dresser la liste des 10 livres à portée de bras qui ont perdu le titre d'acquisition récente? Car je fais du tsundoku, l'art d'empiler les livres en sachant très bien que je n'arriverai pas à tous les lire. Au moins, les livres sont là. Comme des possibles. Une liste, oui. Je songe à celle, gracile et élégante, de Sei Shonagon. Je la relis souvent, celle-là, comme Basho, comme Toro. Quels sont les livres que je n'ai pas relus? Ingrat comme exercice. On dirait ne pas désirer revoir quelqu'un. Mais revenons à notre question. Je suis de mauvaise foi. Qui aimerait avouer ce qu'il ne lit pas? Grignoter la Divine Comédie exige une discipline que j'ai eue et n'ai plus. Quelle formidable ascension dont l'enfer est le sommet. Et Proust, 50 pages par jour. Au terme de l'été, le premier tome de la Pléiade y était passé. Je pourrais aussi bien dire, au terme du premier tome, l'été y était passé. De l'hargne récompensée par le ravissement. Je n'en suis plus là. De toute façon, la montagne de livres à lire s'élève plus vite que je ne la gravis. Je repousse, je retarde, je sursois. Mon vieux comparse Diego, bibliothécaire de Survie Associée, le sait bien. Nous nous refilons des livres exceptionnels, parfaitement ciblés, et la magie n'opère pas toujours. La constellation du lynx s'attarde. Champion et Onimitu de Thompson Highway, deux chapitres qui m'ont renversé, je le lirai cet été. Traitez-moi de dilettante de couverture. Mais j'ai mes paresses, mes sautes d'humeur, mes grands bonds d'intérêt, mes passages à vide. Ce bouquin qui possède des attraits indéniables le mardi me rebute le vendredi. Je vous assure qu'il n'y a rien à comprendre là-dessus. Néanmoins, je vais tenir parole. Vous confessez l'inavouable. Je n'ai jamais lu La Rivière, Initiation Outaouaise, de Joël Pourbet. Un livre pour moi. Aventure géopoétique de prose et de vers, qui me parle d'un territoire aimé, et enrichit mes expansions d'écrivain au long chemin. Il m'a été offert par un ami, bibliothécaire de Survie du Mont-Royal. Une œuvre parfaite à tout point de vue, dont je comprends la valeur et je défends l'intérêt. J'ai tenté des dizaines d'approches, mais non. Pas tout de suite. Ça ne veut pas se lire. Déroutant, vraiment. Je donnerais cher pour savoir qui décide ce que je lis, mais je persiste. Pas encore lu, c'est le genre de rubrique qui me ressemble le plus. Ainsi s'achève. Jamais presque pas encore lu, par Charles Sagalane.